journée-là internationale en ville sans ma voiture pour rappeler certaines choses de la ville de Québec. Je vais laisser Marc Boutin, qui est un membre, un militant du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste et du Comité aménagement urbain, et moi, je vais revenir avec vous pour vous parler des détails de la manif. Alors, merci d'être là et dans quelques minutes, on se met en branle. Alors, je suis content de voir que les piétons s'organisent. C'est un nouveau pouvoir. C'est un nouveau pouvoir qui, depuis quelques années, va prendre le dessus sur l'automobile. C'est pas fait encore, mais ça prend des pas. Aujourd'hui, c'était un deuxième pas vers une prise en charge et une prise de pouvoir du piéton d'abord. Et l'automobile, ensuite, on verra, on lui donnera une petite place qui lui revient. Mais pour l'instant, c'est la montée des piétons. Si on est aujourd'hui, si on marche aujourd'hui dans le Faubourg Saint-Jean, la Ville de Québec fait aussi quelque chose pour enlever dans ma voiture, mais elle ferme le quartier touristique, elle ferme la rue Saint-Jean à l'intérieur des murs, puis même elle nous permet d'utiliser la place du Ville, comme elle a fait tout l'été d'ailleurs pour les touristes, alors c'est rien de nouveau. Mais le problème, c'est que c'est ici le problème, c'est pas là-bas, c'est ici. C'est pour ça que le Comité populaire vous a convié aujourd'hui pour dire à la Ville, écoutez, les vrais problèmes de transit, les vrais problèmes d'automobile, c'est dans les quartiers habités, en dehors de la section touristique, c'est là qu'ils sont vécus de façon la plus criante. Dans notre quartier, il y a la rue Sainte-Marie, il y a la rue Lavigueur, il y a la rue d'Aiguillon. D'Aiguillon, c'est la rue par excellence du transit à Québec. Or, c'est une rue résidentielle. Il y a 350 logements, il y a 5 coops d'habitation, il y a une école primaire, il y a des petits commerces de quartier. C'est une rue typique du quartier. C'est une rue qui est d'abord résidentielle. C'est pas une rue du tout qui est faite pour le transit. Puis par transit, on exclut les autobus, on est prêt à garder le transport en commun, il n'y a pas de problème avec ça. C'est les automobiles, par transit, on entend automobiles qui passent dans le quartier puis qui n'ont pas d'affaires là. Ils n'ont pas d'affaires là. Et le boulevard René-Lévesque est fait pour les recevoir. Il n'y a pas juste dans Saint-Jean-Baptiste qu'il y a des problèmes de transit. Dans tous les quartiers du centre-ville, regardez, prenez par exemple la rue de la Couronne puis la rue d'Orchester dans Saint-Roch qui coupe le quartier en deux. C'est parfaitement invivable. Dans Saint-Sauveur, il y a la rue Marie de l'Incarnation qui vit les mêmes problèmes. Et petit à petit, les quartiers s'organisent. À Sainte-Foy, il y a un groupe de piétons qui protestent contre le trafic de transit dans sa rue. Ils ont déjà fait des manifs, ils sont en train de parler avec la ville. Il y a le quartier Limoilou aussi qui a les mêmes problèmes. Alors, ce n'est pas un problème qui se vit seulement ici, mais aujourd'hui, on représente d'une certaine façon tous ces quartiers-là. On peut parler quelques instants de la place disproportionnée que prend l'automobile dans nos vies. Dans l'aménagement des rues, on est presque forcé au centre-ville de vivre avec une auto. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens de magasiner au centre-ville. Il faut qu'ils aillent dans les centres d'achat. Moi, je le sais, quand mes enfants étaient jeunes, je voulais leur acheter un ballon. Je n'ai jamais trouvé un ballon au centre-ville. Il a fallu que j'aille acheter dans un centre d'achat pour trouver un ballon pour que les enfants puissent jouer. Et puis, ça change, mais oui, on peut aller chez Escompte-Lecomte. On peut aller chez Escompte-Lecomte, mais quand même, la vie est difficile. Puis, on dirait que la Ville de Québec, la place de l'automobile est si disproportionnée qu'ils essayent d'imposer aux gens du centre-ville une vie de banlieue. C'est ça qui se passe actuellement. C'est que la Ville donne toute la place à l'automobile, puis ça nous force, ça force bien des gens à vivre. Puis dans les quartiers Saint-Jean-Baptiste, bien, les gens veulent le retour, alors il y a des problèmes de stationnement. Évidemment, pour contrer ça, ça prend du transport en commun, ça prend des voies cyclables, évidemment, la ville aussi voit, mais ça prend des rues cyclables. C'est pas juste d'avoir des voies cyclables, ça prend des rues cyclables. C'est pas la même chose. On veut que la bicyclette serve à la vie urbaine normale et non pas qu'elle soit isolée sur des pistes cyclables seulement. Québec est la première ville pour le nombre de kilomètres d'autoroute par tête d'habitant au monde. Quand on parle de place disproportionnée de l'automobile à Québec, Québec a le deux fois plus d'autoroutes qu'elle pourrait en supporter raisonnablement. De toutes les villes de l'Amérique du Nord, il y a une moyenne de 10 km par 100 000 habitants d'autoroutes, mais Québec est à 20 km. Ça veut dire des prix énormes au niveau du déneigement, au niveau de la sécurité, puis au niveau de la santé aussi. Parce que les accidents d'auto, puis le nombre de morts, puis le nombre de blessés est incroyable. Puis ça, c'est le public qui paye pour ça. Alors, si on est ici aujourd'hui, c'est en tant que piéton, en tant que cycliste, en tant que conducteur-conductrice de poussette, en tant qu'utilisateur du transport en commun, et c'est pour ça qu'on marche ensemble, et pour montrer à la ville qu'on est une force, qu'il va falloir qu'elle nous écoute. Alors, je vous remercie et je redonne la parole à ma compagne. Ouais! Ouais! Ouais! Ouais! Merci, Marc. Donc, pour conclure, parce que je pense que si vous êtes ici, c'est que vous savez déjà pourquoi vous êtes là. Mais aujourd'hui, en ce 22 septembre, tout le monde rappelle aux gens l'importance de changer les pratiques individuelles. Cette année, on avait le goût d'aller plus loin que le problème de la circulation de transit sur d'Aiguillon. On va le rappeler, on va en reparler tout à l'heure quand on va être sur d'Aiguillon, parce que c'est un bon exemple de l'inaction de la ville quand il y a des problèmes concrets dans les quartiers résidentiels. Donc, mais aussi pour réfléchir sur les politiques de la ville. On nous invite, les élus de la ville aujourd'hui disent aux gens, ne prenez pas votre voiture, mais dans le fond, si on veut se donner les infrastructures pour permettre aux gens de faire des choix différents, bien, ça prend des choix politiques, ça prend un plan de transport, ça prend une vision cohérente et ça prend pas juste des annonces à la miette selon l'humeur de l'administration municipale. Donc, dans le fond, ce qu'on veut dire aussi aujourd'hui, c'est que Québec peut faire ces choix-là, comme d'autres villes au Québec et dans le monde, pour qu'on réduise la vitesse dans les quartiers résidentiels, pour qu'on se donne une place plus importante, comme Marc l'a dit, aux cyclistes et aux piétons, par exemple par des rues partagées. Donc, il y a plein de mesures à mettre en branle pour avoir une vision globale, pour vraiment qu'on se permette en tant que ville, en tant que société, d'avoir des vraies alternatives. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on s'en va marcher. Donc, on va se mettre en branle. Pour votre information, on va prendre la rue Saint-Jean et à la rue Saint-Augustin, on va tourner pour revenir sur d'Aiguillon. Puis, on arrête au parvis de l'église où il va y avoir une petite fête, épluchette de blé d'Inde, bière et musique avec un centre système qui va être sur place. Donc, je tiens aussi, avant qu'on parte, à remercier la fanfare qui est avec nous, donc qui va nous faire la musique Nouvelle-Orléans. La gang d'Animacité avec la piétonne géante, et c'est un enfant. Dans Saint-Jean-Baptiste, les enfants n'ont pas beaucoup de place pour jouer dans la rue. Donc, on a aussi un tramway géant. Donc, ce qu'on avait le goût aussi aujourd'hui de dire, c'est que mais il y a des solutions faciles, donc ces solutions-là, on en a une partie aussi avec nous aujourd'hui. Donc, je vous invite à se mettre en branle, peut-être derrière la bannière, puis ça va avoir du fun d'occuper notre rue, cet espace public-là, sur lequel on a une place nous aussi, puis on s'en reparle plus tard. Avant de partir, je ne sais pas si vous êtes du genre slogan, au cas où, pendant la marche, il y aurait des petits moments où la fanfare prendrait un break, bien, il y a quelques slogans que le comité organisateur, que je remercie en passant d'ailleurs, qui est une fusion du comité aménagement urbain et du comité Action d'Aiguillon. Quelques slogans faciles, si jamais il y a des bons, si vous avez le goût de faire des slogans. Donc, on a un facile qui est « Exit le transit ». Donc, c'est « Exit le transit ». Exit le transit. Un autre « Dans mon quartier, je veux respirer ». Donc, ça va comme suit. Dans mon quartier, je veux respirer. Dans mon quartier, je veux respirer. Dans mon quartier, je veux respirer. Dans mon quartier, je veux respirer. Donc, et on en a un plus drôle comme des poussettes, pas des corvettes. Donc, pour rappeler qu'il y a des familles aussi au centre-ville. Donc, des poussettes, pas des corvettes. Des poussettes, pas des corvettes. Donc, on est prêts. Comme ça, s'il y a une petite pause de fanfare, on va pouvoir scander nos beaux slogans. Donc, bonne manif, tout le monde. Thank you. Thank you.